Selon une information, les membres des formations des femmes venues de toutes les régions de Corée du Sud, notamment Kim Chon et Song Jun, ont tenu le 2 janvier une conférence de presse à Séoul et se sont opposés à la tentative du ministère de la Défense pour la disposition de SAD, en déclarant qu'une fois installé le système de bouclier antimissile des États-Unis, aucun endroit, y compris le lieu de disposition, ne sera en sécurité.